Exercice 2. Destination vacances. Généralement, vous allez où pour les vacances? Mon mari va dans les Alpes avec des copains et moi je vais en Bretagne, chez mes parents. Et vos enfants, ils vont où? Ça dépend. Notre fille va sur la Côte d'Azur et notre fils va en Alsace. Nous n'allons pas en vacances ensemble. Et toi, tu vas où? Je reste à Paris. En été, c'est super.